nom de lieu, part 1, appellation identique ou semblable en anglais et en français. Reading down the list. L'appartement. La banque. Le bar. La boutique. La cafétéria. La cantine. Le corridor. Le cinéma. La classe. La discothèque. L'hôpital. L'hôtel. Le laboratoire. Le musée. Le pavillon. Le restaurant. Le théâtre.